Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurone. Vous êtes à l'écoute de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui à l'émission, on aura Cosmograph d'Angleterre, After Crying de Hongrie, Doracord d'Italie, Black Expression d'Argentine, Frank Marino et Mahogany Roche du Québec, Locus Amonus d'Italie, Millennium de Pologne et Anathema d'Angleterre. Et comme à l'habitude, le premier bloc de l'émission est consacré à l'album de la semaine. Et aujourd'hui, on a le groupe britannique Cosmograph qui vient de faire paraître son 8e album. Il s'agit de Rattrapante. C'est un album qui contient 5 pièces, dont 2 de 12 minutes. Et ça totalise 50 minutes en tout. Et pour aujourd'hui, à l'émission, eh bien, je me propose de vous faire écouter les deux pièces de 12 minutes. La première, c'est « In 1985 ». Et l'autre, c'est « Time Will Flow ». Alors, on y va tout de suite avec Cosmograph. Thank you. We started a band and dreamed it would take us far. 85 seems so far in the past, but the spirit lives on and I want it to last. When I was 50 and I had lived some life, I wrote this song and hoped it would take me far. Never stop dreaming, 'cause your time will come. If you never stop trying, you'll always be young. We'll be right back.

Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Ce qu'on a entendu avant la pause, c'était le groupe britannique Cosmograph et deux extraits de leur plus récent album Rattrapante. Maintenant, on va aller du côté de la Hongrie avec After Crying. C'est un groupe qui a été actif là, principalement entre 1990 et 2013, donc presque 15 ans, durant lesquels ils ont produit 5 albums studio. Et si vous voulez pas vous taper la discographie au complet, bien, je vous invite à consulter, vous procurer un des deux albums compilation, un qui est paru en 96 et celui que je préfère, moi, est en 98. Il s'intitule Almost Pure Instrumental et la pièce que j'ai choisie pour vous, c'est Big Evil Funfair Final. Et ensuite, on va enchaîner avec un groupe italien du nom de Doracor. C'est un groupe qui a été actif entre 1997 et 2016, donc près de 20 ans. Et durant ces 20 ans-là, ben, ils nous ont fait le don de 9 albums studio. Et le plus récent, ben, celui de 2016, s'intitule Passioni Postmoderne di un musicista errante. Et deux extraits pour vous. Le premier, c'est Syntropia et l'autre, c'est Un nuovo sole. Mais tout d'abord, After Crying de Hongrie. E così sentirai. c'è lì questo niente. Ognuno è responsabile di ciò che accade ed ha il potere di decidere che cosa vuole essere. Quello che siete oggi è il risultato delle vostre decisioni e scelte passate. Quello che sarete domani sarà il risultato delle vostre azioni di oggi. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. We'll be right back. Avant de continuer l'émission Rock de Neurones, j'aimerais vous rappeler qu'avant la pause, vous avez entendu le groupe italien Doracor et deux extraits de l'album Passioni Postmoderne di un Musicista Errante. Ça, c'est paru en 2016. Et je rappelle aux auditeurs que vous pouvez consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones si vous voulez consulter le libellé exact là, des pièces et des groupes et des albums là, qui sont joués à l'émission. Maintenant, j'ai un nouveau groupe d'Argentine qui s'appelle Black Expression. Ils viennent de faire sortir un album du nom de Regreso e Casa. Et la pièce que j'ai extraite pour vous, c'est Martes de Agosto. Et ensuite, on va aller avec un musicien bien connu ici au Québec, c'est Frank Marino et le groupe Mahogany Roche. Ils ont enregistré un album. Ça, c'est en 2004, ça fait déjà 17 ans. L'album s'intitule Real Life et je vous propose la pièce His Calling. Je rappelle qu'on a déjà fait jouer un extrait de cet album-là. L'album, c'est-à-dire, la pièce, c'était à l'époque Poppy. Et je vous propose probablement bientôt une version de Voodoo Child de Jimi Hendrix. Mais auparavant, on a Black Expression d'Argentine. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Avant la pause, on a eu le droit à une pièce d'un virtuose québécois de la guitare, j'ai nommé Frank Marino, qui est accompagné de Mahogany Roche à l'occasion du spectacle qu'ils ont enregistré et qui a donné l'album Real Live. Et la pièce que vous avez entendue, bien, c'est He's Calling. Maintenant, on a un groupe italien qui n'est pas très connu, avec un seul album qui est paru en 2013. Le groupe, c'est Locus Amoenus. Et l'album, c'est Clessidra. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Tralla Mente Egli Infiniti, Inverni Delani. Ça sera suivi de Millennium de Pologne. Millennium qui a lancé un album en 2020. L'album s'intitulait The Sin. Et en parallèle, ben, ils ont produit un autre album qui s'intitule Rarities. Et de cet album-là, j'ai extrait Time Vehicle. Ensuite, on va conclure l'émission cette semaine avec le groupe britannique Anathema, un groupe qui est quand même assez prolifique avec 13 albums studio entre 1993 et 2017. Et moi, l'album que je préfère, en tout cas un des albums que je préfère, c'est Falling Deeper et la pièce qui m'émeut tout le temps, c'est Sunset of Age. Thank you. When I talk to the wind, he tells me that it wasn't so bad. All my old memories seem to ring in my heart like a bell. When I'm asking myself, could I be someone else, I just smiled to the mirror. It was me, and I didn't well. Last night I had a wicked dream. I stepped back the line. It was the old millennium, 1999. Someone asked me behind the wall, are you still okay? Don't you want to change it all? I said no, it was my way. Just a circle, eternal game. We'll be right back.